clair, obscur. Une musique sombre sur Rage. Bonsoir à tous et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage. Après Underground Zero, après Tapage Nocturne, après 33 tours minutes, c'est avec nous et les musiques sombres que vous finissez la soirée en compagnie de moi-même, Stéphane, votre serviteur, et de ma collègue Nathalie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez bien ? Eh bien écoute, j'espère que ce morceau leur aura rappelé des souvenirs d'enfance, sinon d'adolescence, puisque c'était, je m'étais juré depuis longtemps de le passer, même si j'ai Daniel Dark en horreur, on en parlait hors antenne, ce type est assez odieux, mais ce type t'horripile, tu peux le dire. Ouais, vraiment c'est assez délicat quoi. Mais pour autant, c'est un groupe que j'avais envie de passer parce qu'il a compté pour beaucoup de gens et ce morceau Chercher le garçon a été un tube et de toute façon, c'est une chanson vraiment très bien construite. Alors pourquoi ne pas ouvrir Clair Obscur avec ça? Et on va continuer avec un groupe que tu nous as ramené, toi. Oui, un morceau alors un peu plus punchy, un peu plus électro dark. Hein. On est vraiment sur le côté soirée. Quelque chose de... Ça prouve peut-être que j'ai peut-être envie d'aller en soirée, je sais pas. En ce moment, je ramène que des morceaux ou pour les bouger les fesses. C'est Halloween qui approche, qui te fait ça et du coup, t'as envie fait, de sortir. Tout à fait, je suis en manque de soirée. Et donc, je voulais vous faire partager le morceau du célèbre groupe God Module, qui est quand même relativement connu sur la scène dark et notamment la scène électro dark. Bah, s'ils sont potes avec Dieu, déjà, c'est... Voilà, ils sont bien rencardés. Ça aide déjà. Hein, d'avoir les relations. Ça facilite. Et avec un morceau tiré... Alors, c'est pas l'album le plus récent que j'ai choisi, hein, parce que les derniers albums, je suis moins fan. Donc, petite privilège oblige, je passe le morceau qui me plaît. J'ai un morceau qui date d'août 2002, qui est un EP qui est passé relativement inaperçu pourtant, qui s'appelle Perception, qui est de God Module, donc, et le morceau se nomme Interférence. Voilà, donc on est vraiment dans le style musical bourrin des soirées à venir, on vous en dira un petit mot plus tard. En attendant, voilà, God Module pour vous, Interférence. I'm Clair Obscur, l'émission des musiques dark. Vous êtes de retour dans Clair Obscur et à l'instant, c'était le groupe c'était God, ouais, God Module qui avait, avec le morceau Interférence, qui avait été enchaîné avec un autre groupe qui te tient à cœur, me semble-t-il. Oui, le groupe Suicide Commando, groupe qu'on n'a pas trop eu l'occasion de vous passer dans Clair Obscur, qui est pourtant un groupe majeur avec God Module de la scène Electro Dark, chose que vous pouvez régulièrement entendre sur les bonnes soirées, hein, parce que malheureusement toutes ne les passent pas. Alors pour vous en dire un petit mot, quand même, c'est un groupe qui est assez, assez spécial, parce qu'il date quand même de 86, ce qui est relativement vénérable, et c'est un groupe composé par une personne, donc qui s'occupe tout seul, qui crée tout seul, et qui sait s'entourer apparemment de manière très intelligente, vu que depuis 1986, il continue à nous laisser déchaîner sur les pistes de danse pendant les soirées goth. C'est quelqu'un aussi qui a une grosse production, parce que depuis qu'il a créé le groupe, il y a pratiquement un album par an, donc ce qui est relativement énorme. Moi, ce soir, j'ai eu envie de vous faire passer ce titre assez bourrin au demeurant qui s'appelle Die Motherfucker Die, un petit mot qu'on a envie de dire à Daniel pas mal de Dark, monde. Qui... Je pensais pas forcément à lui, mais oui, ça ira aussi. Voilà, donc c'est vraiment un morceau pour se défouler, et qui est issu, qui est sorti il y a vraiment, vraiment pas longtemps, donc c'est du tout frais, tout pondu, pour s'agiter les fesses en soirée, en attendant les fameuses soirées d'Halloween. Oui, puisqu'effectivement, d'ici la fin du mois d'octobre, on aura quelques soirées à vous annoncer. Les auditeurs peuvent s'étonner, moi qui suis si doux et si gentil d'habitude, petit agneau. Voilà, un agneau, doux comme un agneau, mais un peu mouton noir, ça me poursuit depuis l'enfance, allez comprendre, et toujours est-il que j'ai peut-être ma place parmi le troupeau gothique avec une telle couleur. Mais toujours est-il qu'on peut légitimement s'étonner que je sois un petit peu méchant avec Daniel Dark. Que voulez-vous ? Même quelqu'un d'adorable comme moi a parfois ses têtes de turc. Et il se trouve que Daniel Dark, pour des tas de raisons, c'est quelqu'un qui m'insupporte. Vous avez pu l'entendre avec le morceau d'introduction, Chercher le garçon, c'est quelqu'un qui a une voix tout à fait médiocre. Mais on peut quand même être un chanteur sympathique, en tout cas agréable à écouter, en ayant une voix médiocre. J'en veux pour preuve Étienne Dao, qui a du talent de composition. Ce n'est pas tout à fait le cas. Voilà, mais c'est pas tout à fait le cas de Daniel Dark. Ce qui m'agace aussi avec ce type, c'est que son, comme je te le disais tout à l'heure, avec une phrase un peu compliquée, sa présence dans les médias est inversement proportionnelle à son talent. C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup, ce garçon. Il doit avoir des relations à Rock and Folk, à Magic, etc., qui sont de très bons journaux, mais qui marchent aussi un petit peu au copinage parfois. Et c'est vrai que Daniel Dark, c'est moins le cas maintenant, mais il y a une période où on le voyait partout, c'était franchement gonflant. Donc merci à Elegie déjà de ne pas faire des premières pages attends, avec ce type-là. Attends, type-là. Attends, on ne sait pas, ça se trouve, dans trois numéros, tu vas l'avoir en... Parle pas de malheur. Voilà, donc je suis peut-être un petit peu méchant, voire un petit peu injuste, mais Taxi Girl est un groupe, comme je le répète, qui a compté. Chercher le garçon est un très bon morceau pop, et tout le monde dans ce groupe-là n'a pas forcément mal tourné, puisque Mir Wais, même s'il a écrit pour Madonna, est quand même un musicien c'est pas plus forcément discret. Mal tourné. Madonna, c'est quand même dans l'esprit de certains, ça peut être le cas. Moi, je polémiquerai pas là-dessus, mais Mir Wais est beaucoup plus discret et est un musicien beaucoup plus talentueux à mon sens. Voilà, petite aparté sur ma minute de haine hebdomadaire dont je vous ai fait profiter ce soir à votre grande dame, j'en suis désolé, sinon si ça vous a fait mais rire, non, tant mieux, fait du bien, parce qu'il y a des gens qui apprécient ce genre de choses, pourquoi pas. Et j'en reviens à la playlist de ce soir. Alors on a enchaîné deux morceaux électro-indus pour commencer, pour vous réveiller s'il en était besoin. On va continuer avec un groupe un petit peu plus ancien, il s'agit de Primal Scream, et avec le morceau, un de leurs classiques, Svastika Eyes.

l'instant le duo parisien de Jadoyo avec le morceau Color in My Dreams, un de leurs classiques, qui a été enchaîné avec un autre classique puisqu'il s'agissait de Svastika Ice du groupe Primal Scream, un morceau qui leur avait valu des emmerdements à l'époque d'ailleurs, parce que Svastika, dès que tu prononces ça n'importe où, c'est toujours mal interprété. C'est pas politiquement correct. Voilà. Mais il n'y avait absolument, c'était un petit peu de provocation de leur part en même temps, donc ils ont eu des ennuis, mais ils l'ont bien cherché, mais en même temps c'est la preuve que beaucoup de gens voient le mal partout, surtout dans une petite chanson qui n'a d'autre but que de faire danser et qui est réussie fort bien d'ailleurs. Et on va parler, on a parlé des classiques parce que ça fait du bien de s'y replonger de temps en temps, mais là on va en venir à une actualité qui a quelques mois, mais ça fait toujours plaisir. Il s'agit d'un groupe qu'on vous avait déjà diffusé il y a quelques mois, il s'agit du groupe portugais de métal symphonique Ava Inferi. Si je m'abuse, un groupe que tu apprécies beaucoup, Stéphane. Ben moi j'ai les groupes de métal à chanteuse, hein, c'est mon côté cucul après ligne, j'imagine, je le reconnais, mais j'aime bien les groupes de métal symphonique. Modérément, j'en écouterai pas toutes mes soirées, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes qui ont du talent, malgré le cliché qui leur colle à la peau et qui est souvent justifié d'ailleurs. Le seul morceau qu'on vous avait passé dans ce genre musical depuis la rentrée, depuis début septembre, ça a été Epica. Et, oui, là c'est vrai que c'est vraiment la caricature, quoi. Ben ouais, mais c'est vrai que le morceau que j'ai passé, The Phantom Agony, est un morceau absolument magnifique, qui moi me plaît beaucoup, mais c'est vrai que par rapport au reste, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, à mon sens. Mais après, il y a des fans d'Epica, donc... Ce style de métal, de toute façon, beaucoup de gens ont commencé par ça, donc il faut pas lancer la pierre, je pense. Enfin, moi-même, moi je sais que j'ai attaqué par ça, j'ai découvert cette partie musicale grâce à ce genre de groupe. Donc vraiment, il faut pas leur jeter la pierre, il y a vraiment une belle créativité, ils se donnent vraiment sur scène, ils sont là pour leur fans. Moi je trouve que ça mérite d'être souligné parce qu'il y a beaucoup de groupes qui daignent pas en faire le dixième. Et il semble que les Portugais aient du talent pour ça, puisque dans le genre metal gothique ils avaient déjà Moonspell, et on a découvert il y a quelques temps Ava Inferi, qui est pas si gnangnang que ça, parce que je sais pas, pour la petite histoire, ça a quand même été créé aussi par c'est un projet parallèle d'un des guitaristes de Mayhem, qui est pas un groupe Oui, en fait c'est le seul scandinave parmi eux, ils sont tous portugais, voilà, ils sont basés ça. À Leiria je crois, à côté de à Sombor de Lisbonne, et c'est lui il est d'origine scandinave, mais je sais plus d'où exactement. Je sais pas non plus, ça j'ai pas poussé jusque là. Par contre ici, pas question de black furieux, hein, on n'est plus dans le black metal de la grande époque, on est vraiment sur du doom metal gothique comme eux se définissent. Donc groupe très très sympa qui a pas mal d'actualités. Moi je sais que j'aime beaucoup aussi, donc je vais pas leur jeter non plus la pierre. Ce nouvel album s'appelle Blood of Bacchus, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, et il est sorti en mars 2009, donc c'est pas tout récent, mais c'est pas très vieux non plus, hein. Donc un morceau assez sympathique. Elegy en a beaucoup parlé, j'ai apprécié qu'il mette vraiment le doigt dessus dans la presse spécialisée, c'est vraiment ressorti beaucoup à Vine Ferry, ils ont eu énormément de communication. Je sais pas si tu as fait attention, toi, mais... C'est vrai, et disons que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un groupe qui gagne à être connu parce qu'il est assez méconnu, y compris au Portugal, d'après ce que j'ai compris. Et petit à petit, ils font leur chemin grâce à cette collaboration, à cette association avec ce gars-là qui était auparavant dans quelque chose d'un petit peu plus radical comme son. Mais, qui apparemment doit avoir pas mal de contacts pour arriver à se faire autant de visuels, de places, de sites de qualité, d'images. Voilà, il doit vraiment utiliser les bons contacts de l'époque pour faire connaître son bébé. Une anecdote qui m'avait fait rire, moi, c'était, j'avais un de mes contacts MSN portugais, une nana à qui j'avais montré le clip que j'avais découvert et dont on vous avait mis un lien sur le forum de Rage à l'époque d'un morceau qu'on vous avait passé. Et il y avait pas mal de très jolies images de synthèse, c'était très poétique. Et le clip, je lui ai montré, elle m'a dit « Ah oui, j'avais couché avec le mec qui a réalisé ce clip. » Ah bon. Le monde est petit. Points. Et comme ça s'était mal placé, du coup, elle m'a vite reviré de ses contacts à cause de cette gaffe dans laquelle je n'étais pour rien. Mais bon, c'est tu pas grave. Tu pouvais pas savoir. Allez, n'empêche que le nom du morceau est bien choisi avec la période. Maintenant, on est en octobre et le morceau se nomme Last Sign of Summer. Donc voilà, c'est bien choisi. Et voilà pour vous, dans vos oreilles, ce soir, dans Clair Obscur. Thank you. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Clair, obscur. Sur Rage. l'instant, juste avant ce morceau, le morceau d'Avine Ferry nommé Last Time of Summer, bien nommé par les temps qui courent, même si on a de la chance d'avoir du beau temps encore et on va espérer que ça dure. Issu de l'album sorti en 2009, Blood of Bacchus, et qui était suivi d'un morceau ramené par Stéphane qui est... Un morceau de Dargard qui s'appelait ce groupe Dark Wave autrichien, et le morceau c'était In Signo Mortis, pour vous amener non pas vers le cercueil mais vers les plumes qui vous attendent. On arrive en effet en fin d'émission. D'ailleurs, si vous nous avez écouté à la radio, vous nous écoutiez sur le 90.3 du côté d'Avignon, sur le 102.5 du côté de Nîmes et d'Arles, et sur le www.rage.fr, vaille que vaille, sur internet. Ce soir, ça a été une émission un petit peu chaotique. On s'en excuse, d'habitude on fait mieux, en tout cas on fait de notre mieux. Et par rapport à des tas de problèmes techniques, l'interview qu'on devait vous diffuser ce soir, l'interview de Phil Vaughan dont il a été question la semaine dernière, n'a pas pu être diffusée. On vous la diffusera la semaine prochaine, vous en faites pas. On s'excuse auprès des gens qui ont essayé de nous écouter sur internet. Le streaming déconne, c'est indépendant de notre volonté. J'en parlerai demain au staff technique de Rage qui a résisté à la grippe, et si Dieu veut... à supposer qu'il existe, ça sera rétabli à partir de demain. Sinon, voilà. On demande à Satan. Voilà. Voilà, une petite messe noire dans en désespoir de cause dans le studio. Mais toujours est-il qu'on va se quitter là encore avec quelque chose d'assez original par rapport à nos playlists. Et ce soir, ce sera avec du hip-hop, une fois n'est pas coutume, avec un DJ qui est classé dans le hip-hop, encore qu'il est collaboré dans des projets plutôt trip-hop, genre Uncle par exemple, il y a une dizaine d'années. Je pense bien sûr à DJ Shadow, qui porte bien son nom dans Clair Obscur, n'est-ce pas Nathalie? Oui, tout à fait, ça c'est bien nommé, ça nous va très bien ce genre de petit nom. Et puis voilà, le hip-hop, ne vous jetez pas par la fenêtre avant de l'avoir écouté, hein. Voilà, parce que le hip-hop c'est un bien grand mot, et arrêtons avec les étiquettes, laissons juste parler notre cœur. Oui, t'as raison. Et là, vous allez avoir 10 minutes pour que votre cœur batte à l'unisson des rythmes qu'on vous envoie pour finir la soirée. Il s'agit de Blood on the Motorway, DJ Shadow. On vous dit à la semaine prochaine. Bonsoir, bonne nuit. Yeah.